Eh la famille, eh la famille, eh la famille. J'espère que tu vas prendre tes jambes à ton cou. Un conflit quand les flics passent, cours, vis dans l'impasse. Esquive les projectiles, ton poteau tombe à masse. T'es essoufflé par l'endurance, ton arme, ton assurance. Vie en cas de défense, cours pour rattraper ce putain de succès en V12. Accroche-toi comme une ventouse, tous les mecs courent pour le flouze. Prends la fuite et sors à la prochaine sortie du périph. Un déco giro surveille dans le rétro s'ils sont massifs. Cours, trace ta route quand le vigile te surprend. Devant ou par derrière, l'essentiel c'est que t'entres dedans, frérot. Et rien à foutre des héros, de toute manière ils verront. Verront, cours vers la réussite de leur racisme et paieront. Toujours élégant, quand file la cagoule élégant. Cours vers la voiture quand t'as le pactole et accélère sur le champ, blaireau. Tant d'efficacité, reste concentré, ne tombe pas. Vas-y, cours comme Forrest Gump, ne t'arrête. Vas-y, cours, cours. Ray, prends la fuite des traces. Vas-y, cours, cours. Bouge ton derrière, reste pas sur place. Vas-y, cours, sois rapide et agile sans laisser trace. Vas-y, cours, vas-y, cours. Vas-y, cours, vas-y, cours. Vas-y, cours, cours. Lâche le frein, appuie sur l'accélérateur. Vas-y, cours, cours. Rien à foutre des radars, fais péter ton père. Vas-y, cours, cours. Ne dégrade pas et fais chauffer le moteur. Vas-y, cours, vas-y, cours. Vas-y, cours, vas-y, cours. Athlétique au bout des pieds, vas-y, cours. Sois perspicace, classe. Passe par le tunnel quand t'as les keufs en face. Ok, on perd de Air Max, Asics, Adidas ou New Balance. Et ralentis jamais, on se fonce pour ton assurance. Suffoqué par le parcours, esquive les contrôleurs. Le courage c'est dans les couilles et dans la tête se loge la peur. Dépend de rien, accélère et lâche le frein. Paire de basket tout terrain, tu détiens la victoire dans la main. Ouais gros, tout comme de court et court. Fais le 100 mètres en moins 10 secondes, ne fais aucun détour. Prends de l'avance, la route est très longue. Plus rapide que la lumière, même une fusée peut pas tester. Fiché par comico, elle touche ce DDT. Un virus parmi tant d'autres, et nique sa mère, pépère. Tu restes des terres à l'ancienne, comme un vévère. Et ton efficacité reste concentré, ne tombe pas. Vas-y, cours, comme Forrest Gump, ne t'arrête pas. Vas-y, cours, vas-y, cours, vas-y, cours. Vas-y, cours, vas-y, cours, vas-y, cours, vas-y, cours. Vas-y, cours, vas-y, cours, vas-y, cours, vas-y, cours. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Vas-y cours, vas-y cours, vas-y cours. Vas-y cours, vas-y cours, vas-y cours, vas-y cours. Vas-y cours, vas-y cours, vas-y cours, vas-y cours. Non, non ne tombe pas, non ne tombe pas.